Extrait du 22 novembre. En sortant de notre cachette nocturne dans un recoin de buisson à quelque part du chemin, et alors que je me dirige vers la petite rivière à proximité avec un grand sac de linge à laver, deux cyclistes passent à ma hauteur. Je les salue et ils s'arrêtent. Il s'agit d'un couple de Français d'Avignon qui profite de 6 mois de congé pour parcourir un morceau d'Amérique du Sud en se réservant les meilleurs morceaux pour la bicyclette, le reste en bus pour optimiser le temps. Ils profitent de leur mi-temps annualisé pour parcourir le monde. Cette recette franco-française, idéale pour un jeune couple sans famille ayant le goût du voyage. Ils ne sont pas les premiers que nous croisons et sûrement pas les derniers. Nous les laissons filer et entamons une bonne séance de lavage de linge. Aujourd'hui, un soleil resplendissant nous accompagne et permettra que notre linge sèche rapidement, suspendu à notre sac à dos pendant que nous marchons. Après quelques kilomètres, nous découvrons un bras du lac Correntoso.